C'est la chronique de la Ligue JMS avec notre ami Pierre-Luc Martin. On rappelle que cette chronique est une commandite d'identification sport, donc pour tous vos besoins, que ce soit en vêtements spécialisés ou encore en sac de voyage, ben, la place qu'il faut aller, c'est identificationsport.com. On parle avec Pierre-Luc Martin. Salut Pierre-Luc! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Pierre-Luc, d'abord, qu'est-ce que tu as à dire? On va commencer avec la Ligue Midget Régionale. Oui, Midget Régional, la semaine dernière, il y avait 6 parties qui ont été disputées. Oui. On a commencé le vendredi soir, les Sags 2 l'emportent 9-1 face au Marcos Pub de Saint-Félicien. Félix Normand, 3 buts de passe et Zachary Deschaine, 3 buts pour les Sags 2 qui sont illustrés dans la partie. Ensuite, samedi, on avait le match du côté d'Alma. Les ambassadeurs de Chupilémo étaient du côté d'Alma. 2 victoires des Aiglons. Une victoire de 6-2 et l'autre victoire de 2-1. OK. Dernièrement, du côté de Bécomo, les Castors de Delbault, la visite à Bécomo. 3 victoires de Castor pour un match 4. Deuxième match 8 et le troisième match 8-1. OK. Du côté du classement, au Midget 2B, Castor de Delbault toujours invaincu, 8 victoires, 0 défaites. Sax 2 également toujours invaincu, 6 victoires, 0 défaites. Suivi dans l'ordre des Aiglons, des Sags 1, ambassadeurs, base de Sept-Îles, Vikings de Bécomo et Marcos Pop de Saint-Félicien. OK. Ensuite? Du côté junior 2A, on avait seulement 3 matchs en fin de semaine dernière. Oui. Vendredi soir, les Marquis de Jonquière ont emporté 6-3 contre les Aiglons d'Alma. Samedi, les Saguenay-Chicoutimi ont emporté 5-1 face aux Sables de Roberval. Et dimanche, les Marquis de Jonquière ont emporté 4-1. 4-2 face au Sable de Roberval. Et je peux te dire que ce match-là, a fait parler pas mal parce que contre les Marquis, Jason La Jeunesse, dans l'entrevue hier des Sables, avait long à dire contre les arbitres. Puis c'était quand même quelque chose. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est pas toujours évident. Je suis pas au match-là, donc je peux pas juger. Ouais. Ensuite. Du côté du classement, les Marquis sont toujours en tête. 8 victoires et 1 défaite. Suivi des Sags, des Aiglons en deuxième position, égalité à 18 points. Pour terminer, les Éperviers et les Sables se partagent les deux dernières rangs. OK. Du côté des marqueurs, au Midget 2B, ça n'a pas bougé bien, un petit peu. Zachary Deschaine en première position avec 17 points, suivi de Jacob Boulan des Castors de Delbault à 16 points. De Félix Normand des Sags 2 à 15 points. Et on termine avec les 4e et 5e rangs des Castors de Delbault, les deux joueurs de Anthony Drottier et Zachary Fortin. Ils vont bien, les joueurs des Castors. Oui, les Castors vont très, très bien. J'ai hâte de les voir. Moi, je ne les ai pas vus encore. Je vais les voir en fin de semaine au showcase. Ouais. Donc, on les voir en fin de semaine. Okay. Et les marqueurs au junior 2A, Jean-Simon Girard, 25 points, des marqués de Jonquière, suivi d'Alexis Bourassa et Samuel Pitt, toujours marqué à 20 et 19 points. Ensuite, Thomas Tremblay au 4e rang, avec Charles Girard de Chicoutimi, Thomas Tremblay de Robert Parval et Charles Girard de Chicoutimi. OK. Si on parlait de showcase en fait. Vas-y, continue, oui. Oui, showcase. Oui, non, c'est ça, j'avais fini pour le résumé pour la semaine dernière. Showcase. Côté showcase, on commence demain. Oui. Belle initiative de la Ligue JMS. Demain soir. Ouais. Oui, on est bien content. Puis je dirais que ça fait une année que je suis dans le CA de la Ligue, mais j'ai grifté autour de la Ligue les dernières années. Ça fait plusieurs années qu'on en parlait. Là. OK. D'un showcase pour faire voir nos équipes, faire voir tant le midget que le junior. Là. Et on est bien content. 16 matchs en fin de semaine au total. On a ça demain soir, seulement 2 parties, mais samedi, dimanche. Là. Des horaires complètes. Là. Puis, on est bien content, puis on a bien hâte. Ça va être très bon, d'après moi. Ça va jouer beaucoup, puis c'est vraiment le fun. Puis toutes les équipes vont pouvoir se voir. Ça réunit les équipes. Puis c'est une belle activité. Ben, les ligues, c'est pas mal que les ligues le font au moins une fois par année. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est une belle initiative. Puis on est bien content que ça. On a hâte que ça commence. OK. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine, Pierre-Luc? Oui, ça fait le tour, Danny. On rappelle évidemment que cette chronique est une commandite d'identification sport. Donc, pour tous vos besoins en sac de voyage ou encore en vêtements spécialisés, c'est identificationsport.com. Pierre-Luc Martin, on s'en parle la semaine prochaine. Voilà. Merci, Danny. Pierre-Luc Martin, le relationniste de la Ligue JMS.